Bonjour à tous et bonjour à toutes. On est samedi et c'est l'heure de votre rendez-vous disco-funk de la semaine. Alors pour la découverte du jour, on va écouter Gwen McRae et son titre Keep the Fire Burning. De son vrai nom, Gwen Mosley, c'est l'épouse de George McRae que l'on a déjà écouté ici avec Rock You Baby. La chanson date de 1982 et est extraite de l'album On My Way. Elle est un hommage au groupe Earth, Wind & Fire. Mais assez parlé, on découvre ça tout de suite. Keep the fires burning, keep the fires burning, keep them burning hot. Alors, le 25 juin 2009, Michael Jackson nous quittait. Et comme c'est demain l'anniversaire de sa disparition, j'ai voulu lui rendre hommage à travers deux titres. Le premier est une de mes chansons préférées de l'artiste, c'est Rock With You, extrait de l'album Off The Wall, sorti en 1979. La chanson a fait l'objet d'un clip dans lequel Michael Jackson chante et danse dans une tenue de strass devant un spot lumineux vert évoquant une ambiance de discothèque. C'était très classe à l'époque. Le clip fut filmé au 800 Stage à Los Angeles. Le second titre, c'est une nouvelle version de Night Shift des Commodores, enregistrée en 2010. Alors là, je vais parier que peu d'entre vous connaissent le titre. Ça va être l'occasion de le découvrir. C'est parti! Fadjet, à Nancy, sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. MJ. Come on, bring the beat, let's go. King of pop, till you get enough, he said don't stop, saying I'll be there, I'm wondering when and imagining where. We remember the times, forever in our hearts and our minds. Singing I'll be there, I'm wondering when and imagining where. Michael, Michael, Michael, he was a friend of mine for more than 40 years. No brighter star did shine. Michael, Michael, Michael, they call you King of Pop, but for your gentle soul, the pain. Ah, vous avez reconnu beaucoup de titres, je suppose, issus du répertoire de Michael Jackson. En version un peu différente de l'original, mais elle se laisse écouter aussi. Alors maintenant, c'est le moment du maxi. On va s'écouter un petit Cool on the Gang. Take My Heart est sorti en 1981, était extrait de l'album Something Special, qui est déjà leur 13e album. Et il sera aussi certifié disque de platine. Alors le titre sera numéro 1 des ventes aux États-Unis. La chanson sera reprise par Robert Palmer sur son album Pride en 1983. Alors de l'album seront aussi extraits les titres Be My Lady, Get Down On It et Stepping Out. Bon allez, assez parlé, place à l'écoute. If there ever come a time when you feel real nice and you want to let someone know that you really appreciate them, all you have to do is just moan a little bit for them. You got somebody to take them. Darling, girl, I'm giving you all my love. See ya. Anytime is the right time, baby. Come on and take my heart. It's all yours if you want it, baby. My heart is tearing all apart. I say, ooh, you can have it, yeah, if you want it. If you want it, you can have it. I'll come and get it, girl, yeah. If you want it, yeah, yeah. See, darling, there's no time for wasting, baby. Come on, please, make up your mind. Good loving is so pleasing, baby. Girl, I'm giving you all. Got me saying something like, ooh, ooh. Radjet, le festival de toutes les musiques. On arrive au terme de notre émission, mais il reste encore la pépite à découvrir. On n'a pas écouté cet artiste depuis plus d'un an. On va y remédier ce soir. Veuillez accueillir, la bien nommée Eartha Kitt. Son titre I Don't Care est sorti en 1986. Ah, on sent bien sûr qu'il n'est pas du même calibre que This Is My Life et Where Is My Man. Et c'est pour cela qu'il passe dans la pépite. Le morceau est assez bougeant, on entend toujours le fameux grognement qui a fait sa marque de fabrique. Allez, assez de blabla, place au résultat. Wow. Tous ces grognements ont fait penser à mon bébé chat Opal que j'embrasse tendrement. Alors j'ai été ravi de passer ce moment avec vous, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne soirée. Et vu qu'on a un peu de temps, je vais vous diffuser en entier The Richie Family, I Do My Best For You Baby, qui me sert aussi d'introduction et de morceau de fin. Bonne soirée, bye bye.